LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Dass ich die Sachen nun nicht immer so mache, ich wollte zur Wolga kommen. An einer bestimmten Stelle. An einer bestimmten Stadt. 8 novembre 42, discours d'Adolf Hitler à la Löwenbräu Keller à Munich. Dort losmarschiert bin. Die könnte ja auch ganz anders heißen, sondern nur weil dort ein ganz wichtiger Punkt ist. Dort schneidet man nämlich 30 Millionen Tonnen Verkehr ab. Runter fast 9 Millionen Tonnen Ölverkehr. Les alliés de la France ont entrepris d'associer l'Afrique du Nord française à la guerre de libération. Général de Gaulle. Ils commencent à y débarquer des forces énormes. Il s'agit de faire en sorte que notre Algérie, notre Maroc, notre Tunisie constituent la base de départ pour la libération de la France. L'hiver 43 sur tous les fronts. Nos alliés américains sont à la tête de cette entreprise. On my line, guys, on my line. Les batailles de Guadalcanal à Stalingrad. Un documentaire de Christelle Le Polotec et Thomas Duterre. Français, des officiers généraux au service d'une puissance étrangère ont refusé d'obéir à mes ordres. Maréchal Pétain. Généraux, officiers, sous-officiers et soldats de l'armée d'Afrique, je vous réitère l'ordre de résister à l'agression anglo-saxonne. L'hiver 42-43 est un tournant de la Seconde Guerre mondiale. Jusque-là, les initiatives et les victoires étaient dominées par les forces de l'Axe, Allemagne, Italie, Japon. Mais au cours de cet hiver, sur tous les fronts qui les opposent aux alliés anglo-américains, de l'Égypte au Pacifique, en passant par le front de l'Est, les forces de l'Axe connaissent leur première défaite. En novembre, c'est l'opération Torche, le premier débarquement allié en Afrique du Nord française, dans les colonies qui sont encore sous l'autorité du régime de Vichy. Quasiment au même moment en Égypte, protectorat anglais occupé en partie par les Italiens depuis septembre 40, les Britanniques remportent la victoire d'El Alamein face à l'Afrika Korps de Rommel. Pour comprendre les enjeux de cette victoire qui va porter un coup définitif aux ambitions de Mussolini en Afrique du Nord, retour sur le contexte de cette campagne avec Olivier Vivorca. En fait, ce que Mussolini a essayé de vendre à Hitler, c'est qu'il allait mener une guerre parallèle. L'Allemagne se concentrerait sur l'Europe et bientôt sur le front russe, tandis que l'Italie, eh bien, au fond, porterait la guerre en Afrique du Nord. Donc l'objectif de Mussolini, c'est d'abord et avant tout de conquérir l'Égypte. Pour son plus grand malheur, les opérations qu'il déclenche en 1940 tournent au désastre, et en février 1941, Hitler est obligé d'envoyer un petit corps de troupes, hein, l'Afrika Korps, qu'il confie au général Rommel. General Rommel zeichnet verdiente Männer des deutschen Afrikakorps aus. An der Afrikafront. Neue Panzerverbände rücken von Tripolis aus an die Front. Ce général Rommel, au départ, vole de succès en succès face à une armée britannique, l'armée du Commonwealth, hein, pour être plus précis, puisque vous avez non seulement des Britanniques, mais des Indiens, des Australiens qui combattent. Eh bien, cette armée britannique se fait étriller. À un moment, Rommel va lancer une grande offensive vers l'Égypte avec l'objectif rêvé de prendre le Caire, bien sûr, mais également le Nil et le Delta. Rappelons que le canal de Suez est une artère vitale pour l'Empire britannique. On s'attend à ce moment-là que les Allemands et les Italiens entrent à Alexandrie et au Caire. Nicolas Bernard, auteur d'ouvrages sur les batailles durant la Seconde Guerre mondiale. Les forces germano-italiennes marchent vers le Nil, mais elles sont considérablement affaiblies du point de vue logistique, puisque les renforts peinent à être acheminés et elles s'épuisent en fait aux portes du Caire et d'Alexandrie. À ce moment-là, l'armée britannique va être ravitaillée constamment en matériel, notamment américain, et va réussir à accumuler de l'artillerie, des chars, des avions, qui vont lui permettre de stopper dans un premier temps Rommel en septembre 1942, puis de lancer une contre-offensive qui va consister à briser les forces d'élite de l'Afrika Korps et de l'armée italienne en Égypte. Ce qui va donner lieu à la bataille d'El Alamein en octobre-novembre. Cette bataille débute en fait avant le débarquement en Afrique du Nord, qui lui intervient sous le nom de code d'opération Torche pour soulager les Britanniques en Égypte, pour prendre à revers Rommel en Afrique du Nord, pour déferler à partir du Maroc et de l'Algérie et de la Tunisie sur la Libye pour sécuriser totalement le périmètre nord-africain et de là, qui sait, menacer l'Italie. Voici une communication du général américain Eisenhower, commandant en chef des forces qui sont en train de débarquer en Afrique française du Nord. C'est un officier de l'état-major du général qui vous parle. Français de l'Afrique du Nord, les forces que j'ai l'honneur de commander viennent chez vous en ami pour faire la guerre contre vos ennemis. Il s'agit d'une opération militaire dirigée contre les forces militaires italo-allemandes en Afrique du Nord. Notre seul but est d'écraser l'ennemi et de libérer la France. Une descente américaine a débarqué en Afrique occidentale et en Tunisie, Algérie et Maroc. L'Espagne et le Portugal ont reçu des ultimatums leur enjoignant de ne pas entraver la campagne. 13 novembre 1942, Ghetto de Vilno, Lituanie, journal de Yitzhak Rudashevski. Les forces anglo-américaines ont lancé une grande action contre les armées allemandes et italiennes en Afrique. On avance contre les Allemands de deux côtés. À l'est, les Anglais attaquent depuis l'Égypte et à l'ouest, les Américains avancent depuis Tunis sur la Tripolitaine. Les Allemands subissent de terribles coups. L'armée italo-allemande est en passe d'être rejetée à la mer. Les Américains opèrent avec une puissante flotte aérienne et navale. Après de grandes batailles, les Américains et les Anglais ont pris Tobrouk, Saloum et toute une série d'autres positions. Le gouvernement de Vichy a ordonné à la flotte et à l'armée de terre française d'opposer une résistance aux Anglais et aux Américains. De la part des Français, il n'y a eu aucune résistance. La flotte anglo-américaine opère librement dans la Méditerranée. Une descente a aussi débarqué en Corse. Les Allemands redoutent un débarquement en France et ont pris le contrôle de la France du Sud, non occupée. On s'attend à des descentes en Italie. Ce qui se passe en Afrique est bien loin de nous, certes, mais on dit que cette action se mène à la demande de l'Union soviétique. Car lorsque les Anglais en auront fini en Afrique, on prévoit que s'ouvre le second front en Europe et alors nous pouvons encore sortir du ghetto. On a chaud au cœur à entendre que le combat se poursuit, que l'étincelle de notre espoir s'embrase. Comme les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord en novembre 1942, les Allemands vont être en quelque sorte pris en étau par les forces alliées qui, d'une part, viennent d'Algérie à l'ouest, qui, par ailleurs, viennent d'Égypte à l'est et qui compressent en quelque sorte les forces germano-italiennes, ce qui va amener les forces germano-italiennes à se rendre au Cap-Bon en mai 1943. Elles perdent quand même dans l'affaire à peu près 250 000 prisonniers, donc c'est un désastre. We're up here with some of the batteries, just behind some of the very, very heavy guns. And there's a terrific barrage going on. Emplacement japonais sur objectif 37-26, 37-27, 37-24, 37-25. Vous entendez? Attaquez sans arrêt jusqu'à épuisement de vos munitions. Attaquez du nord au sud. Nous indiquerons l'objectif avec phosphore blanc et fusée rouge. Vous est-il possible de les voir? Terminé. On peut les voir, d'accord. Au même moment, dans le Pacifique Sud, se déroule la bataille de Guadalcanal, au nord de l'Australie. Pour les belligérants américains et japonais, cette île de l'archipel des Salomon représente un intérêt stratégique pour contrôler les voies de navigation du Pacifique Sud. Les Américains en ont chassé les Japonais à l'été 42, mais les combats connaissent une intensité inédite à l'automne lorsque les Japonais lancent leur offensive navale pour tenter de reprendre cette petite île sauvage. Ce deuxième front, si loin de tout, a une utilité pour les Allemands. La mobilisation des forces américaines dans le Pacifique permet en effet de freiner, pour un temps, le débarquement des forces alliées sur le front principal, en Europe. Dans l'île de Guadalcanal, au sud de l'archipel des Salomon, les Japonais ont installé un aérodrome dans un double but. Couper tout d'abord les voies d'accès du ravitaillement américain vers l'Australie, ensuite élargir leur périmètre défensif dans le Pacifique du Sud-Ouest. Le 7 août 1942, la première division de fusiliers marins américains débarque à Guadalcanal. En deux jours, l'aérodrome est occupé. Et c'est ainsi que commence une des plus dures campagnes du Pacifique. Les marines se heurtent à un ennemi fanatique, à une nature montagneuse, coupée de précipices, couverte d'une jungle humide et malsaine. Terre cruelle que Guadalcanal, où l'ennemi s'appelle aussi malaria, typhus ou dysenterie. Les Américains, aussi bien que les Japonais, Nicolas Bernard, vont apprendre à se battre dans des conditions absolument innommables, au milieu d'une flore quasi impénétrable et d'une faune également pour le moins hostile, avec des moustiques géants, des serpents venimeux, dans un climat tropical qui favorise les maladies. Et pourtant, Américains et Japonais vont tous les deux s'accrocher à cette île et se combattre dans des conditions dantesques. Cette île présente une importance certaine pour les Japonais et les Américains. Pourquoi les Japonais ? Parce que les Japonais sont arrivés à l'extrême limite de leur expansion dans le Pacifique Sud et ils entendent sécuriser cette frontière militaire en installant une base militaire à Guadalcanal. La bataille de Guadalcanal, par-delà l'horreur qu'elle représente pour les combattants, par-delà les pertes subies par les États-Unis et les Japonais, se limite à ces deux problématiques. Contrôler l'aérodrome, empêcher l'ennemi de le conquérir, donc ceinturer les voies maritimes conduisant à cette île. Le 13 novembre 1942, un combat décisif est engagé par les Japonais. L'amiral Tanaka lui-même déclare « Nous lutterons jusqu'à ce que l'un des deux camps soit définitivement vaincu ». Guadalcanal, c'est l'aboutissement d'un engrenage en 1942. Les Japonais, en 1942, conquièrent l'Asie du Sud-Est, conquièrent le Pacifique Centre. Ils sont stoppés en mai 1942 à la bataille de Mer de Corail, qui protège l'Australie. Leur aéronaval, notamment, est décimé à la bataille de Midway, sur le chemin des Hawaï, en juin 1942. Et ils sont achevés, au cours du second semestre 1942, à Guadalcanal. Ils sont achevés sur le terrain et ils sont achevés autour de ce terrain, c'est-à-dire dans la mer, avec une marine impériale qui va perdre environ 130 000 tonnes de matériel militaire, ce qui équivaut aux pertes américaines, mais les Américains compensent leurs pertes immédiatement, alors que les Japonais ne compenseront jamais ces pertes. En dépit des pertes subies par les Américains, les Japonais s'inclineront et devront renoncer à tout jamais à reprendre la base de Guadalcanal. And from Lisbon, the new world, but the others wait in Casablanca. La conférence de Casablanca du 14 au 24 janvier 1943 réunit Churchill pour le Royaume-Uni et le président Roosevelt pour les États-Unis. Staline, trop occupé par la bataille de Stalingrad sur le front de l'Est, a décliné l'invitation. Les alliés se retrouvent pour établir la stratégie des prochaines années de guerre et exiger la reddition sans condition des forces de l'Axe. L'autre but de cette conférence est de réconcilier les deux rivaux, les généraux français Henri Giraud et Charles de Gaulle, afin de s'assurer que les forces françaises en guerre se mettent bien à la remorque des alliés. Une réconciliation de façade, avec une poignée de main pour la photo, à la demande expresse de Roosevelt. Mais la véritable avancée de cette conférence, c'est la décision d'envahir la Sicile, ce qui sera fait en juillet 1943 avec l'opération Husky, provoquant dans la foulée la chute de Mussolini. Le 26 janvier 1943, Los Angeles, Pacific Palisades, journal de Thomas Mann. Temps pluvieux. Avons écouté à 7h le swing qui a répété les dernières nouvelles déjà annoncées. Conférence de 10 jours à Casablanca, tenue secrète entre Roosevelt et Churchill, avec les Français et en présence de nombreux représentants de tous les pays. Ce qui met fin aux rumeurs sur un retour d'Hitler à la vie privée. Discussion de tous les théâtres d'opération et de toutes les possibilités de coopération. Décision stratégique, le voyage du président Roosevelt en clipper et en bombardier a été extraordinaire. Le tout est impressionnant pour le monde entier. Initialement, cette conférence, qui n'était pas prévue à Casablanca, devait réunir Roosevelt, Churchill et Staline. Staline a opposé un refus catégorique. La situation sur le front me retient. Si bien que Roosevelt et Churchill conviennent d'une réunion à deux qui aura pour objet deux points extrêmement importants, à savoir d'une part la stratégie militaire et politique en Méditerranée et d'autre part que fait-on de la France en Afrique du Nord. Nicolas Bernard, auteur d'ouvrages sur les batailles durant la Seconde Guerre mondiale. La stratégie en Méditerranée, la conférence va permettre aux Britanniques et aux Américains de se mettre d'accord, ce qui ne va absolument pas de soi, sur la suite des événements lorsqu'on aura chassé l'Axe d'Afrique du Nord. L'Axe s'accroche à ce moment-là à l'Afrique du Nord, ils ne sont pas encore vaincus, ils ne seront vaincus qu'en mai 1943 en Tunisie. Que fait-on après ? Eh bien, il est convenu de débarquer en Italie. Ce débarquement doit intervenir au cours de l'été pour soulager l'armée rouge et parce que les Britanniques convainquent les Américains que débarquer en France en 1943 n'est pas une mince affaire face à l'armée allemande. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, que fait-on des aspects politiques en Méditerranée, notamment que fait-on de la France ? Picturesque Casablanca in liberated French Morocco. Setting for the historic 10-day meeting between America's President Roosevelt and Britain's Prime Minister Churchill. Ce que espère Roosevelt, c'est qu'une entente va pouvoir se dégager entre le général Giraud, soutenu par les Anglo-Américains, et les Français de la France libre, avec les forces gaullistes. Olivier Vivorca, historien. Et là, de Gaulle, on peut le dire, fait un service minimum. Il accepte de serrer la main devant les caméras et les appareils photo au général Giraud, et il dit à Roosevelt « Je le fais pour vous ». Mais il n'y a toujours pas d'accord entre le général Giraud et le général de Gaulle. La rencontre entre Churchill et Roosevelt à Casablanca est la grande nouvelle du jour. Les pourparlers n'ont donc pas eu lieu, comme nous l'avions supposé, à Washington, mais sur le sable chaud d'Afrique. Une nouvelle fois, n'ayant pu identifier le lieu des pourparlers, nos services de renseignement ont failli. 28 janvier 1943, journal de Joseph Goebbels. Dans la presse ennemie, la rencontre, qui a duré presque 14 jours, est présentée pompeusement comme l'antichambre de la victoire. Nous ne pouvons qu'admirer la manière dont les Anglais et les Américains ont tenu secrète cette rencontre. Mais cela rend encore plus angoissant le fait que nos services de renseignement n'aient rien deviné, bien qu'ils gaspillent beaucoup d'argent et de personnel. Il est vrai que les Anglais et les Américains font grand cas de la rencontre et la présentent comme un événement à sensation. Pendant toute une journée, les Américains y ont fait référence avec un ton des plus hystériques. Le résultat, pour autant qu'il soit visible dans le communiqué, est bien plus maigre. Il ne fait aucun doute que les Anglais et les Américains, au cours des 14 jours passés à Casablanca, n'ont pas seulement abordé les questions mentionnées dans le communiqué. Ils ont discuté de la situation générale, ce qui transpire à la lecture des différents commentaires. Naturellement, les Anglais et les Américains soulignent leur accord complet en ce qui concerne l'analyse de l'ensemble de la situation et des conséquences qui en résultent. Au cours de cette conférence, un point très important va intervenir, puisque Roosevelt va, pour la première fois, proclamer l'exigence alliée d'une reddition sans condition des forces de l'Axe. Pas de paix de compromis, pas de paix blanche, pas de cessez-le-feu, pas de paix négociée. Cette exigence de la reddition inconditionnelle intervient de manière certes un peu improvisée de la part de Roosevelt, mais elle est là pour rassurer Staline, pour indiquer à Staline, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de nouveau Munich. Nous irons jusqu'au bout pour écraser l'Allemagne, l'Italie et le Japon, ces puissances perturbatrices. Churchill et Roosevelt annoncent devant la presse et dans leur communiqué qu'ils veulent combattre jusqu'à la capitulation sans condition des forces de l'Axe. 30 janvier 1943, Joseph Goebbels. Notre capitulation, ils pourront l'attendre longtemps. Ils montrent, en osant exiger de nous une capitulation et dans de telles proportions, qu'ils n'ont aucune idée de notre force de résistance et de notre détermination. Les nouvelles de Russie ont le même caractère bouleversant et porteur d'espoir que ces derniers jours. Défense fanatique de la ville, impossible à briser. 21 septembre 1942, Los Angeles, Pacific Palisades, Thomas Mann. Là-bas, les Hitlériens sont partout sur la défensive. Munich a été gravement touché. Renouvellement de mon espoir que cette affreuse absurdité trouvera sa perte dans un tourbillon de sang, malgré la violence et les efforts. Chaque époque a une ville qui la représente au monde et qui abrite son âme, sa volonté. Stalingrad fut cette ville pendant un certain temps de la Seconde Guerre mondiale. Quasiment conquise fin septembre par les Allemands, la ville ne cesse de résister malgré l'acharnement de la 6e armée dirigée par le général Paulus. Dès le début, la bataille est hypermédiatisée. Il faut dire que c'est la ville de Staline qui est en jeu. Des correspondants de guerre viennent du monde entier, parmi eux, côté russe, Vassili Grossman, l'auteur de Vie et Destin. Durant l'hiver, la résistance des soviétiques fait basculer l'issue de la bataille. Pour la première fois, les nazis pourraient perdre. Le monde entier est suspendu au communiqué militaire. Sur place, les soldats meurent par milliers. 800 000 côté soviétique, 400 000 du côté des forces de l'Axe. ...23 septembre 1942, Thomas Mann. Dans Stalingrad en flammes et plein de fumée, combat acharné pour prendre des barricades de meubles. La résistance ne cesse pas. On tire sur les Allemands depuis la Volga. brouille entre Hitler et Bock, qui ne peut pas mettre l'ordre à exécution. La Pravda écrit « La ville peut tenir, c'est formidable ». Au moment où débute la bataille de Stalingrad, en août 1942, l'Union soviétique fait face à sa deuxième offensive allemande. Après avoir subi une première année 1941-42 extrêmement difficile, puisque l'offensive allemande s'enfonce dans la profondeur de l'Union soviétique jusqu'à buter finalement pendant l'hiver 1941-42, à partir du mois de novembre-décembre, à Moscou. À Leningrad, où qu'ils assiègent à partir du mois de septembre 1941, les soviétiques bloquent l'offensive allemande finalement en janvier 1942, on va dire, quelque chose comme ça. François-Xavier Nérard, historien de l'URSS. Et donc cette offensive allemande qui est bloquée pendant cet hiver 1941-42 redébute au printemps, enfin, au moment où les conditions climatiques et météorologiques le permettent, pour aller vers le sud cette fois, parce que en fait tout est bloqué au nord, hein, Leningrad-Moscou, et donc ils se dirigent vers le sud, c'est le moment où ils vont occuper la Crimée, c'est le moment où ils s'approchent donc de Stalingrad, et ils se dirigent vers le Caucase, qui est leur but, un de leurs buts, puisque les richesses pétrolifères du Caucase les intéressent fortement. Donc, quand la bataille de Stalingrad commence, on en est là, et Stalingrad devient une sorte de nœud qui peut empêcher, finalement, une trop grande progression des Allemands. Commencèrent pour les défenseurs de Stalingrad les jours les plus durs. Vie et destin, Vassili Grossman. Dans la confusion des combats de rue, des attaques et des contre-attaques, dans la lutte pour le contrôle de la maison du spécialiste, du moulin, du bâtiment de la banque, dans la lutte, dans les caves, les cours et les places, la supériorité des Allemands se faisait manifeste. Le coin que les Allemands avaient enfoncé dans la partie sud de Stalingrad, près du jardin des Lapchines et de la Elchanka, s'élargissait, et les mitrailleuses allemandes camouflées, à la limite de l'eau, tenaient sous leur feu la rive gauche de la Volga, au sud de la Krasnaya Sloboda. Les officiers de l'état-major qui reportaient sur la carte la ligne du front voyaient progresser inexorablement les lignes bleues et fondre la bande comprise entre la ligne rouge de la défense soviétique et le bleu de la Volga. L'initiative, l'âme de la guerre, était ces jours-là entre les mains des Allemands. Ils rampaient de l'avant et toute la fureur des contre-attaques soviétiques ne pouvait arrêter leur mouvement, un mouvement lent mais inexorable. Dans l'instant... Donc ça, c'est la ville de Stalingrad, côté allemand, côté soviétique. Le nord est ici, l'est est là et l'ouest est là. Et les Allemands sont en train de déferler sur la ville au mois d'août et au mois de septembre. Leur objectif, c'est de se rapprocher le plus possible du fleuve, la Volga. Ils lancent plusieurs assauts au cours de l'automne, d'abord au sud, mais les soviétiques vont constituer quelques minces têtes de pont. Ils vont ensuite tenter de lancer des assauts dans le quartier ouvrier qui regroupe plusieurs complexes industriels. Stalingrad, c'est une grande ville industrielle de l'URSS. Le tiers des chars T-34 produits en 1941 vient de Stalingrad. Et ces combats vont dégénérer dans de terribles affrontements urbains, dans des usines en ruine. Lorsque on arrive au mois de novembre 1942, lorsque tombe la neige sur Stalingrad, les Allemands tiennent la majeure partie de la ville, les 4/5 de la ville, mais les soviétiques conservent encore des petites têtes de pont de quelques dizaines de mètres, parfois de profondeur. En fait, les Allemands, en quasiment 15 jours, 3 semaines, ils occupent la quasi-totalité de la ville. Ils envoient l'infanterie et ils occupent quasiment toute la ville, sauf quelques mètres carrés sur la rive de la Volga. Mais pas l'autre côté. François-Xavier Nérard. Et l'autre rive est tenue par les soviétiques. Et bon, comme l'autre rive est la rive orientale, et donc les soviétiques peuvent amener des soldats de ce côté-là, et bien ils vont envoyer des soldats sans arrêt traverser la Volga, se battre, tenir de manière héroïque les petits bouts de territoire qui tiennent. Donc on a une sorte de dramaturgie de la bataille qui est absolument fascinante, terrible, hein, encore une fois, parce que ça a un coût en homme qui est inimaginable. C'est-à-dire que concrètement, les Soviétiques ont tenu Stalingrad parce qu'ils ont envoyé à la mort des centaines de milliers de personnes. D'ailleurs, ils les faisaient traverser, les types arrivaient, et puis voilà, ils mouraient, quoi. Les Allemands admettent finalement dans le journal que les Russes ont commencé une offensive générale et qu'ils ont percé le front sur le Don et sur la ligne Kalinin-Taropek. 27 novembre 1943. Ghetto de Lodz, Pologne. Journal de David Sirakoviak. En ville, la joie est incroyable. Naturellement, elle est vite suivie de la peur que les Allemands se vengent sur nous quand le nombre de leurs défaites augmentera. Mais pour l'instant, qui voudrait s'en soucier ? Que ça bouge, c'est tout. Et en novembre 1942, donc vous voyez, les Allemands sont arrivés ici, la mer Noire est ici, le Caucase est ici. On arrive en novembre 1942, les Allemands sont épuisés, les Soviétiques ont tenu, et l'armée rouge va lancer à ce moment-là une manœuvre en pince qui va conduire, cette manœuvre en pince, à l'encerclement des assiégeants. Les assiégeants de Stalingrad deviennent assiégés. Le 22 novembre à 18h, Paulus communiquait par radio à l'état-major du groupement d'armée B. Vie et destin, Vassili Grossman. L'armée est encerclée. Toute la vallée de Tsaritsa, la voie ferrée de Slovenskaya à Kalach, le pont sur le Don, les hauteurs sur la rive ouest du Don, sont malgré une résistance héroïque aux mains des Russes. La situation en ce qui concerne les munitions est critique. Il reste pour 6 jours de vivres. Je demande que me soit accordée la liberté de décision au cas où nous ne parviendrions pas à établir une défense circulaire de Stalingrad. Nous pouvons être alors contraints d'abandonner Stalingrad et le secteur nord du front. Comment Staline a réorganisé l'armée rouge à cette occasion ? Des films absolument fascinants. On voit Staline sur une table au Kremlin avec des cartes, regardant comme ça, puis d'un seul coup, il y a un coup de génie, prenant son téléphone, étant en lien direct avec les soldats sur le front, donnant l'ordre de tirer là, de retirer là. Bon. François-Xavier Nérard. Je ne pense pas qu'il faille exagérer outre mesure le rôle de Staline. L'importance de Stalingrad, notamment en termes militaires, c'est le fameux Prikaz, l'ordre 227, qui est surnommé Nishagunazad, pas un pas en arrière, et qui prévoit des mesures répressives extrêmement fortes, donc concrètement fusiller les gens, s'ils reculent. Alors, c'est un texte qui est pris pendant l'été 1942, et donc... Pendant que les Allemands approchent de Stalingrad. Donc en gros, voilà, on met en place des bataillons à l'arrière des troupes, et si jamais ils attrapent un soldat qui s'en va, bah, ils ont l'autorisation de le fusiller, ça a des conséquences pour les familles. Puis surtout, il y a ces bataillons à l'arrière là, qui empêchent le recul, et qui empêchent les gens de partir. Et, alors, quelque part, on leur doit aussi la victoire de Stalingrad. C'est... compliqué à le dire, mais... La réussite de l'offensive dans la zone de Stalingrad avait comblé les trous dans la ligne de défense soviétique. Ils avaient été comblés non seulement entre les gigantesques fronts de Stalingrad et du Don, non seulement entre l'armée de Tchoukiov et les divisions du Nord, non seulement entre les bataillons et les compagnies coupées de leurs arrières, non seulement entre les groupes d'assaut embusqués dans les maisons de Stalingrad. Le sentiment d'être coupé, encerclé, avait également disparu dans la conscience des gens. Lui avait succédé un sentiment d'unité et d'union. Et c'est dans ce sentiment de sa propre fusion avec la masse militaire que réside ce qu'on appelle un moral de vainqueur. Et, bien sûr, les âmes et les esprits des soldats allemands pris dans l'encerclement de Stalingrad connurent une évolution inverse. Un énorme morceau de chair, fait de centaines de milliers de cellules douées de raison et sentiments, avait été détaché du corps des forces armées allemandes. Vassili Grossman. Grossman est un parmi tant d'autres. C'est-à-dire que l'appareil de propagande soviétique se construit autour d'un réseau de correspondants de guerre qui sont envoyés pour les plus grands journaux du pays, c'est-à-dire la Pravda, les Izvestia, la Pravda qui est le journal du parti, les Izvestia qui est le journal du gouvernement, on va dire, pour faire vite, et puis l'Étoile Rouge, Krasnaya Zvezda, qui est l'organe de l'armée rouge. Et ces correspondants de guerre, alors il y a toute une série. Bon, Grossman est passé à la postérité, notamment pour Vie et Destin, mais on peut penser aussi à Constantin Simonov, qui joue un rôle très important à l'époque parce qu'il est très connu comme écrivain et il est mobilisé comme correspondant de guerre. Il va envoyer du front régulièrement des récits qui permettent de construire les représentations de cette guerre qui est en train de se faire. Et le récit de la bataille de Stalingrad commence dès les débuts de la bataille de Stalingrad. Dès le début du mois de septembre, des gens qui, sur place, sont là et décrivent ce qu'ils sont en train de voir. On est dans un récit complexe, quoi, qui raconte la guerre, bon, qui en tait évidemment certains aspects, mais qui raconte la difficulté de la guerre. Et ce sont des gens, les articles, qui sont très lus, à la fois par les soldats et par la population. On a pas mal d'images aussi qui circulent. Tu regardais les grands hebdomadaires illustrés, qu'ils soient américains, enfin états-uniens, ou même allemands propagande en France, il y a des images de Stalingrad. Parfois même, je me semble, dans Life, j'ai vu des images de Stalingrad qui me semblent d'origine plutôt allemande. Donc il y a des choses qui circulent énormément. Vous avez des opérateurs de cinéma qui tournent un film. Enfin, qui tourne des rushs, quoi. On suit les soldats en train de se battre. Vous avez même une commission d'historiens qui est envoyée pendant la bataille pour commencer à écrire l'histoire de la bataille. Et pourquoi on se concentre sur Stalingrad pendant cet hiver 42-43 ? Encore une fois, parce que Stalingrad tient. Très concrètement, si vous lisez le journal intime de Goebbels, on s'aperçoit que en septembre, Hitler veut annoncer sa victoire. Veut annoncer la prise de Stalingrad. Et Goebbels lui dit, peut-être attendre un peu, attendons qu'on ait complètement pris la ville, parce que si jamais il y a un petit problème, ça va être retourné, enfin bref. Et donc, fin septembre, tout le monde s'imagine que c'est fini. Or, ça tient, et donc, voilà, il y a un moment où on se dit, peut-être qu'il y a un miracle va se passer. L'issue demeurera douteuse jusqu'à la scène du dénouement. L'information, elle nous est venue d'ailleurs assez vite, par Radio Londres d'ailleurs, hein, qu'il y avait cette bataille de Stalingrad et la victoire des troupes soviétiques. Témoignage de Marcel Herbelot, ancien résistant. Moi j'avais 19 ans, mes copains aussi, 18-19 ans. Un seul mot d'ordre, formidable. Pourquoi formidable ? Et parce que jusqu'à maintenant, l'armée allemande était invincible. Et voilà que, pour la première fois, l'armée allemande subissait une défaite. Et alors pour nous, d'ailleurs, quand on se rencontrait, ça se voyait, chacun de nous avait l'œil vif. Oui, c'est bien vrai, c'est bien vrai. Ils ont gagné, hein, ils ont gagné, les Russes ont gagné. Oh, c'est formidable, c'est formidable. Ça s'est répandu comme une telle poudre, hein, de bonheur pour nous. La direction générale le nettoie de l'envahisseur en déroute et des traîtres en déconfiture. Tous les Français ont suivi avec passion la campagne de Russie, tout simplement parce qu'elle nous rappelait les souvenirs de l'épopée napoléonienne et la manière piteuse dont elle s'était achevée. Olivier Vivorca. Donc d'emblée, il y a eu un très grand espoir qui a été, dans une large mesure, déçu au départ, en raison des progrès fulgurants de la Wehrmacht. En revanche, 1943 et la défaite de Stalingrad sont suivis avec passion. Les Français sont relativement bien informés, grâce notamment à la BBC, qu'ils écoutent, seuls ou en petits groupes. Donc vous avez une attention de l'opinion publique qui se focalise sur Stalingrad, qui est devenu aussi, en raison de la propagande nazie et de la propagande soviétique, un enjeu symbolique de première importance. Ceci dit, les Français ne constituent pas une exception, tant s'en faut. Cette bataille est médiatisée, dirait-on aujourd'hui, dans l'ensemble du monde. Hein. Le monde a les yeux fixés, a les yeux rivés sur Stalingrad. L'espoir qui couve toujours vivant en l'homme du ghetto s'est enflammé haut et fort ces jours-ci. 28 janvier 1943. Ghetto de Vilno. Journal de Yitzhak Rudashevski. Les fiers communiqués de guerre allemands se sont changés en piteuses supplications. Le bulletin militaire allemand reconnaît la puissante offensive soviétique sur les fronts. Les soviets ont lancé un grand assaut entre le Caucase et le Don. L'armée allemande victorieuse, qui menaçait Stalingrad et avait déjà pénétré dans ses faubourgs, est à présent prise en étau dans un redoutable encerclement d'armées soviétiques. Les divisions blindées soviétiques refoulent les Allemands du Caucase. Au front pèse sur eux la menace d'une écrasante défaite à Stalingrad, où l'armée allemande a combattu de haute lutte et a gagné sa propre tombe. L'assaut allemand sur Stalingrad s'est transformé en une résistance désespérée d'hommes encerclés. Staline, en novembre 1943, quand il fait son grand discours pour célébrer l'anniversaire de la révolution d'octobre, en 1943, mentionne deux batailles. Pour lui, les deux batailles qui ont été importantes pendant cette année-là, c'est Stalingrad et Koursk. François-Xavier Nérard. Et il compare les deux. Il dit Stalingrad, c'est le début, et Koursk, c'est la fin du... Enfin, il n'utilise pas l'expression du dernier clou dans le cercueil des Allemands, mais quelque part, c'est cette idée-là. Alors, elle a une importance, paradoxalement, probablement à cause du nom de la ville. Pour les Allemands, elle a cette importance assez clairement. C'est-à-dire, pour Hitler, prendre Stalingrad, c'est un symbole. En Occident, que ce soit chez Churchill ou chez Roosevelt, cette importance de Stalingrad parce que c'est la ville de Staline est aussi diplomatiquement utilisée. Après la victoire, ils vont beaucoup utiliser cette image-là, faire des cadeaux à Staline. Bon. Donc, il y a ce côté-là autour du nom qui est important, qu'il ne faut pas négliger, alors que bon, après, il y a une importance stratégique, encore une fois, parce que elle commande l'accès aux régions sud de l'Union soviétique. Et puis après, elle devient importante, cette bataille, j'allais dire au fur et à mesure. Parce qu'elle dure, parce qu'elle est extrêmement coûteuse en hommes. On a des centaines de milliers de personnes qui meurent. On parle, enfin, si on calcule en moyenne, je crois que c'est autour de 4000 personnes par jour qui meurent à Stalingrad. Allemands et soviétiques. Plus de soviétiques que d'allemands. Beaucoup plus de soviétiques que d'allemands. Et donc, c'est cette conjugaison de tout ça qui fait que ça devient important. Le 30 janvier 1943, alors que la défaite ne fait plus aucun doute, Hitler nomme le général Paulus, à la tête de la 6e armée à Stalingrad, maréchal. Une manière de lui signifier que toute reddition est impossible. Aucun maréchal allemand ne s'était jamais rendu. Hitler attend de Paulus qu'il se suicide. Cela n'arrivera pas. Deux jours plus tard, le 2 février 1943, l'armée allemande capitule à Stalingrad et le maréchal Paulus est fait prisonnier par les soviétiques. Au QG de la 6e armée, on disait que Stalingrad était transformé en camp de prisonniers en armes. Paulus envoya un second message, signifiant qu'il y avait une petite chance de briser l'encerclement. Vie et destin, Vassili Grossman. Il s'attendait à un éclat de fureur terrible, car jamais personne n'avait osé contredire par deux fois le commandant en chef. On lui avait raconté que Hitler avait un jour arraché la croix de chevalier de la poitrine du feldmarschall Rundstedt et que Brauchitsch, qui assistait à la scène, en fit une attaque. Il ne s'agissait pas de plaisanter avec le Führer. Le 31 janvier, Paulus reçut enfin une réponse à son message. On lui décernait le titre de feldmarschall. À la tentative suivante qu'il fit pour essayer d'avoir gain de cause, il reçut la plus haute décoration du Reich, la croix de chevalier avec feuille de chêne. Il finit par comprendre que Hitler s'était mis à le traiter comme un défunt, lui décernant post-mortem le titre de feldmarschall, puis la croix avec feuille de chêne, et qu'il ne servait plus qu'à une chose, donner l'image tragique du chef de la défense héroïque de Stalingrad. La propagande officielle avait fait des centaines de milliers d'hommes qui se trouvaient sous son commandement des saints et des martyrs. Ils étaient vivants, occupés à faire bouillir leur viande de cheval, à faire la chasse aux derniers chiens de Stalingrad, à attraper des pies dans la steppe, à écraser leurs poux, à fumer des cigarettes faites de papier roulé dans du papier, Et pendant ce temps-là, la radio officielle diffusait une musique solennelle et funèbre en l'honneur de ces héros surhumains. Es gab vorher schon eine Rede von Göring, die verbreitet wurde und in der Stalingrad zu Johannes Hürter de l'Institut d'Histoire Contemporaine de Munich. Also Göring hat ja die Stalingrad-Niederlage. Il y a eu tout d'abord un discours de Göring qui a été diffusé à la radio dans le but de faire de Stalingrad un mythe héroïque du sacrifice allemand. Göring comparait Stalingrad au combat des Spartiates à Thermopyles. Ces 300 Spartiates, qui ont combattu jusqu'au dernier, ont perdu la bataille, mais par leur sacrifice, ont permis de gagner la guerre. C'était bien sûr d'une réinterprétation totale. Le discours de Goebbels, dans lequel il appelle à la guerre totale, a pour but la cohésion de la population allemande et surtout, dans cette période extrêmement difficile, de renforcer le sentiment allemand. C'est-à-dire, à partir de maintenant, il en va de l'existence même de l'Allemagne. Nous devons rester solidaires et mettre toutes nos forces dans la guerre, sinon ça finira très mal pour nous. Il n'y a plus que la victoire ou la défaite totale. Il n'y a rien entre les deux. C'est très important pour la propagande, ce mythe de Sparte. Ces hommes sacrifiés ne meurent pas pour rien. Ils se sacrifient pour la patrie. Stalingrad est naturellement le thème principal de notre conversation. Nous devons progressivement nous faire à l'idée qu'il faudra bien finir par informer le peuple de la situation. À vrai dire, cela aurait dû être fait depuis longtemps. Mais jusqu'à présent, le Führer s'y est toujours opposé. 30 janvier 43, journal de Joseph Goebbels. Nous ne pouvons laisser traîner les choses indéfiniment et ne nous décider à en parler que quand tout sera fini. À Stalingrad, près d'un quart de million d'hommes sont encerclés. Si l'on compare cette perte à l'ensemble de celles subies à l'Est jusqu'ici, on comprend alors aisément ce qu'elle représente. Exposer la situation deviendra inévitable, et le plus tôt sera le mieux. À Stalingrad se joue une tragédie humaine qui rappellerait presque les vieilles légendes. Ce que nos soldats et officiers ont à accomplir défie l'imagination. Le peuple sera sûrement bientôt informé de la situation. De toute façon, il la connaît déjà en grande partie. J'estime que nous devons maintenant dire nous-mêmes la vérité, parce que nous serons en mesure de fournir au peuple le soutien moral nécessaire lors de l'annonce de cette horrible nouvelle. Stalingrad doit être pour nous ce que le siège de l'Alcazar fut pour la guerre de libération en Espagne. Un hymne à l'héroïsme des soldats allemands. Un hymne qu'on ne peut imaginer plus tragique et plus bouleversant. Je crois que nous parviendrons, grâce à une telle représentation de Stalingrad, à lier plus étroitement le peuple au régime et aux devoirs que la situation actuelle impose. Il est absolument nécessaire pour l'organisation de la guerre totale d'endurcir le peuple, moralement et physiquement. Désormais, la guerre a atteint un stade qui ne nous permet plus d'effleurer simplement les choses. Nous devons considérer l'évolution de la situation avec objectivité, même si celle-ci est implacable. Plus nous saisirons l'ampleur de la situation, plus fermes seront les décisions que nous prendrons. Plus nos décisions seront fermes, plus nos succès seront importants. Februar 1943. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Communication depuis le siège du Führer, 3 février 1943. Le haut commandement de la Wehrmacht annonce « La bataille de Stalingrad est terminée ». Fidèle à son serment d'allégeance, la 6e armée, sous la direction du maréchal Paulus, a succombé à la supériorité de l'ennemi et à des conditions défavorables. Leur destin est partagé par une division de l'armée de l'air allemande, deux divisions roumaines et un régiment croate qui, dans une loyale fraternité d'armes, ont accompli leur devoir avec leurs camarades de l'armée allemande. Sous le drapeau à croix gammée, hissé sur la plus haute ruine de Stalingrad, ils ont mené le dernier combat. Des généraux, des officiers et des soldats se sont battus côte à côte jusqu'à la dernière balle. Le sacrifice de l'armée n'a pas été vain. Ils sont morts pour que l'Allemagne puisse vivre. Das Opfer der Armee war nicht umsonst. Sie starben, damit Deutschland lebe. Il y a de bonnes nouvelles. Le ghetto est en fête. Les Allemands reconnaissent que Stalingrad est tombé. 7 février 1943. Ghetto de Vilno, Lituanie. Journal de Yitzhak Rudashevski. Je vais dans la rue. Les gens échangent des clins d'œil heureux. Les Allemands ont enfin subi une immense défaite. La 9e armée allemande tout entière mise en pièces. Plus de 300 000 Allemands tués. L'état-major fait prisonnier. La ville de Staline est la tombe de l'ennemi. L'offensive d'hiver des Soviets donne de brillants résultats. Je marche dans la rue. L'hiver déserte enfin les ruelles du ghetto. L'air est chaud et ensoleillé. La glace dans les rues fond et coule. Et dans nos cœurs, c'est le printemps. La neige fond à l'intérieur aussi et on a du soleil au cœur. La libération est proche. Je perçois en tout mon sens sa venue prochaine. Родина! Родина! Товарищ Сталин! Товарищ Сталин! Клянемся еще зорче! Клянемся еще зорче! Нести! Нести! Боевую вахту! Боевую вахту! Бдительно охранять! Бдительно охранять! Сталинград constitue un espoir. Pour la première fois, l'Allemagne connaît un revers militaire majeur. Tal Brutmann, historien de la Shoah. Oui, l'Allemagne n'est pas invincible, alors que ça fait 3 ans que l'Allemagne vole de succès en succès. Elle a balayé la première puissance militaire du monde qui était la France. Elle s'est enfoncée jusqu'à Moscou. Mais il ne faut pas perdre de vue non plus que Stalingrad ne constitue pas la fin des victoires allemandes. Stalingrad n'est qu'un événement de la guerre qui est loin d'être achevé. Après Stalingrad, l'Allemagne est encore présente sur le territoire russe. Il va falloir plus d'une année avant que les soviétiques chassent les Allemands de Russie. Stalingrad, c'est février 43. Il faut attendre en gros l'offensive de l'été 44, qui s'appelle Bagration, pour voir vraiment les Allemands chassés hors du RSS. Donc on en est encore très très loin. Et du côté allemand, Stalingrad, en ce qui concerne la solution finale, ça ne change rien. Et c'est ça qui est très intéressant ou important, c'est que la solution finale est souvent corrélée aux événements de guerre. Par exemple, les historiens allemands ont montré que l'assassinat des Juifs en URSS se développe à partir de l'été 41 au fur et à mesure que les combats s'avèrent plus difficiles à gagner que les Allemands ne laissent compter. Dès la fin du mois de juillet 41, c'est-à-dire au bout d'un mois de Barbarossa, les Allemands se rendent compte que l'effondrement de l'URSS qui avait été promis, la sous-humanité des Slaves et des Juifs qu'ils affrontent, ou des Asiatiques qu'ils affrontent, est loin d'être une réalité. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils se mettent à tuer des Juifs, puisque c'est bien la preuve que le danger juif est là. Là, il y a une corrélation avec le cours de la guerre. En revanche, une fois que la solution finale est déclenchée, à partir du printemps 42 matériellement, c'est une opération qui n'est plus corrélé au cours de la guerre. C'est-à-dire que Stalingrad, pas Stalingrad, on continue à tuer massivement les Juifs. En revanche, là où ça a un impact, c'est notamment à l'hiver 42, sur les possibilités logistiques de déportation. On va voir en Europe de l'Ouest un gel, enfin un arrêt, mais qui correspond à un gel des déportations, parce que tout le matériel ferroviaire est utilisé en priorité pour l'effort de guerre sur le front de l'Est. Et là aussi, c'est très intéressant en matière de reconstruction mémorielle, c'est qu'on a longtemps pointé que c'est absurde, les Allemands ont utilisé des trains pour déporter les Juifs, alors que ça venait contredire les impératifs militaires. Or, et ça, Raoul Hilberg l'a montré il y a 60 ans, donc c'est pas récent, les convois de déportation de juifs, c'est une goutte d'eau dans la mer des déplacements ferroviaires à l'époque. Mais vraiment, c'est ridicule en termes de mobilisation. Sauf qu'à l'hiver 42, l'effort de guerre est tellement important pour le régime nazi que même les quelques trains, parce qu'on parle de moins d'une vingtaine de convois par semaine sur des dizaines de milliers de convois par semaine. Mais même cette vingtaine de convois-là devient nécessaire pour l'effort de guerre. Ça montre l'importance qu'a l'effort militaire sur le front de l'Est à ce moment-là. Mais à partir de février 1943, février-mars, les déportations vont reprendre vers l'Est. Donc c'est vraiment une parenthèse. Merci à Olivier Vivorca, Nicolas Bernard, Michael Luquen, François-Xavier Nérard et Johannes Hurter. Prise de son, Nadège Antonini, Lucas Desrodes et Philippe Mercher. Mixage, Manon Moussin. Lecture, Samuel Glomé, Pierre-Benoît Varoclier, Rainer Sievert, Marc Lamijon et Anne Stephens. Traduction, Nathalie Maupetit. Archivina, Clary Monac. Documentation, Annelise Signoret. Attachée d'émission, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Merci à André Abril de l'Institut d'Histoire Contemporaine de Munich. C'était l'hiver 43 sur tous les fronts. Les batailles, de Guadalcanal à Stalingrad, un documentaire de Christelle Le Polothèque et Thomas Duterre.